J'ai eu la guerre, je l'ai faite, y'en aura d'autres, c'est la merde. J'suis dans vos toupets car tous payent. Donne-moi la bouteille, j'tousse pas, m'touche pas. Du 9-2, c'est de la coupa. L'œil de Rocky, les couilles à Rocco, grand siroquier. Trop de pauvres dans les propos, tous dans la nan, pas tous dans la tête, pas. Et c'est trop tard pour foutre du mascara sur un cocard. J'parle mal, et j'ai la rétine assassine. Le mal par le mal, sont pour les man. Trop de soucis aussi on m'incie et c'est pas nouveau. Ici y'a que des putes, on serre la main à des canons sciés. N'est manque manier la scie pour des bifetons. Micro 357 piton, violent. Depuis les chaînes et les bateaux j'rame. T'inquiète, aucune marque dans le domaine, je les ai dans le crâne. J'suis arrivé dans le son, trace la guerre dans mon morceau. Si j'me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la terre, j't'aurai sans rançon. 500 rancunes, tu le bitches, j'm'en avec une plume. Retrace la guerre dans mes morceaux. Si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la mer, vers le cap sud. Je te résume, je suis le bitume avec une chumeur. Un peu fin, rappel fin pour tous mes défunts. La routine, le chocard, la chevrotine, roulant jet car. Du popo en stylo dans mon jean. 100 millésimes, je suis dégoûté comme quand j'ai chécra. Rap à l'usine, contrôler plus à l'urine. J'fais du 0 à 100, une 10 quand j'vois mes ronçons. J'dors sans la fiole, des mars sans fuel. Quand j'vois la France les jambes écartées, j'encule sans huile. J'arrive en ville, brille, repars en vie. J'aime les représailles, tire en l'air ou dans mes Nike Air. J'me lave à 15h, me couche à 6 du mat. Des vœux du mot, ouais, c'est la patate, ouais. Au mic c'est platoon et ça retourne. Car j'ai appris quand y'avait pas de thunes. Alors que tourne la roue, nos rues des fours. Laisse-moi rouler maniaques, smata, c'est malias. Un bon QI, du courage, un peu de vice. Et les poulets rôtis, dans ma team que des numéros 10. J'retrace la guerre dans mes morceaux. Si j'me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la terre, j't'aurai sans rançon. 500 rancunes, j'suis le bitch, j'm'en avec une plume. J'veux pas rapper avec les pains, j'écris mon nom sur le banc. Sous écrou longtemps, mes empreintes de doigts sur le gland. J'veux peser, baiser, me reposer. B2O, BA, j'roule avec OCB. 3, 4, 5, 6 tasses à la semaine. Et si ça pue le cash de la casquette à la semaine. J'suis qu'un missile. Guidé par 45, dopé au shit à la soul, au rire à la smoule. On sort pas du tchap, pas d'une chaga. Et à chaque album d'une autre époque de chacal. J'suis macaque avec une plume, ne sens plus la douleur. Et leur tumeur à la couleur de ce que j'fume. Mon régime à la résine. J'te résume, j'suis le bitume avec une plume. Et si j'me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la mer, vers le cap sud. J'te résume, j'suis le bitume avec une plume. J'retrace la guerre dans mes morceaux. Si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la terre, j't'aurai sans rançon. Sans rancune, j'suis le bitume avec une plume. J'retrace la guerre dans mes morceaux. Si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Mon stylo dans la mer, vers le cap sud. J'te résume, j'suis le bitume avec une plume. J'retrace la guerre dans mes morceaux. Si je me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson.